que les poètes finissent tous trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur l'une de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi qu'on m'ennuie pas. Y'a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île, on n'aurait pas vu la mer. Va falloir que je parle du thermonucléaire. Allez à toi mec. Allez Bluesy à la guitare. Déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de ma solitude. Et on va se faire l'enfant. On va se faire l'enfant. Par l'enfant, t'es prêt pour l'enfant? Allez, chante avec moi. Allez, chante. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, on va rester sur l'enfant. Tu demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées, des jeux qu'on veut te faire jouer. Depuis trop longtemps.